seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Indila. C'est jeudi soir et c'est Indila avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Ça va, prête Indila? Prête. Tout va bien? Oui, oui. Dans ce jeudi soir? Tout va bien. La réédition de l'album, c'est le 17 novembre. En précommande dès maintenant, allez-y. Mini World. Très contente, ouais. Je suis vraiment très contente. Et comme j'ai pu le dire en début de semaine, c'est vraiment super et très nouveau pour moi, dans la mesure où avant je composais, c'est vraiment étrange hein, comme sensation. Avant je composais pour m'auto-satisfaire, entre guillemets, pour assouvir je sais pas encore quoi. Et aujourd'hui c'est drôle parce que j'ai plus envie uniquement de m'auto-satisfaire moi et de me surprendre moi seulement. J'ai envie de surprendre les dreamers qui sont avec moi et toutes les personnes qui me suivent. Donc voilà, pour cette réédition, ça a été une expérience très nouvelle parce que je veux nous faire plaisir. Là, c'est pas juste moi. Et bien ce soir, tu vas faire plaisir à beaucoup de monde puisque nous écouterons non pas un mais deux extraits de la réédition. Oui. Des petits bouts. Voilà. Des petits bouts parce que Scalp depuis hier nous met l'eau à la bouche. Alors, mais c'est sa spécialité. Hier soir, on a eu le droit à un petit bout du morceau qui a été écrit par Charles Aznavour. Oui, Mon Fal Amour. On va le réécouter un petit peu dans le replay d'hier soir. Très bien. Et donc ce soir, prévu deux morceaux donc de la réédition. Oui. Par petits bouts, par petites touches. Voilà. Exactement. Ça Scalp, se consomme ça avec modération. Voilà, pour se préparer au décollage. Bon, il y aura un petit extrait. Allez, dans un instant, on mettra le premier extrait. Yes. Et puis après, dans l'émission, on mettra le deuxième extrait avec Indila. Très bien. Mais juste avant, on se rappelle ce qui s'est passé hier soir. Restez chargé. Il y avait H Magnum aussi avec nous hier soir. Yes. Ça donnait ça dans l'émission. Skyrock remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Ce soir, il paraît que vous êtes venu avec une surprise. Même plusieurs surprises. Une surprise humaine. Vivante, on va dire. Exactement. En chair, en os et en voix. Exactement. Et puis une surprise dans ma poche, dans une petite clé USB. Voilà. Un petit extrait peut-être d'un des titres inédits. Allez, on écoute cet extrait. Ok. Exclu total, apporté par Indila Skalpovic. Le morceau qui s'appelle Mon Fal Amour. Mon Fal Amour, ici ou là, plein d'aventures, on se rencontrera. Sans toi, mon Planet Rap. Bah, je te laisse présenter notre invité, Indila. Ouais. Alors, c'est un invité que j'apprécie énormément. Mm-hmm. Il me tarde qu'on le découvre davantage et qu'on sache vraiment ce qu'il a à l'intérieur de lui parce que c'est juste excellent. H. Magnum est là avec nous, monsieur H Magnum. Yes. Dreamer par les Dre, parmi les Dreamers, comment va? Ouais, ça va super, super. Ça fait super plaisir d'être là. Entouré d'Indila, Skalpo, et sincèrement, je suis super content. Alors, votre rencontre à tous les deux, c'est quoi? Ça fait un petit moment et j'ai, pour être tout à fait sincère, j'ignorais en fait qu'il avait autant de compétences. Il sait rapper, il sait chanter, il compose, il écrit des, bien sûr. J'ai de la batterie. Du coupé décalé, attention. Voilà. Ah ouais, ok. Non, il a vraiment une fibre artistique qui me plaît beaucoup. C'est un artiste qui a une sensibilité particulière. Et Est-ce qu'on mettrait pas le petit idem? Ouais, le petit. Ouais, signé Skalpovic. Ouais, gros morceau que tu chantes d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'il y a laissé une partie de son âme dans ce morceau, tellement c'est beau. Oh mes frères, qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Et je pense que c'est idéal. Planet Rap, Planet Rap. Approchez-vous, c'est l'heure du live. Prête, Indila? Oui, je suis rien, je suis personne. J'ai toute ma peine comme royaume. Une seule larme m'emprisonne. Voir la lumière entre les barreaux. Et regarder comme le ciel est beau. Entends-tu ma voix qui résonne? Voilà, le Planète Rap, on salue H Magnum. Et donc, le boulot qui est en train d'être réalisé avec Gotham City, l'album qui sortira en 2015. Et l'extrait de H Magnum, morceau idem qu'on a pu écouter. Peut-être qu'on pourra d'ailleurs, passer. Voilà, ça, franchement, ce serait cool si on pouvait se le réécouter parce que bon, on c'est un titre qui mérite, voilà. Qui mérite, c'est le mot. Qui mérite d'être écouté beaucoup plus que ça. Et qui nous emporte, tout comme tes morceaux. Ouais. Merci, merci. Ce sera donc dans un instant sur Skyrock. Et là, on débute comme chaque soir le run. Oui. Allez, coup d'envoi du Planet Rap, Indila avec nous ce soir. Et run, c'est extrait de Mini World. But you run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. Toujours tu run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. Je ferme les yeux et je m'imagine sur un nuage ou sur une île. Y'aurait ce que je veux et je serais tranquille. Je ferai les choses tout doucement. La vie aurait un goût sucré. Une chanson ou deux, un ukulélé. Pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent. Pourquoi tu run, run, run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely. Pourquoi tu run, run, run, never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, run, run, never stop. Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you lonely so lonely. C'est Indila avec son morceau Run Run à l'instant, c'est extrait de Mini World, l'album qui va bientôt être disponible de nouveau avec une réédition le 17 novembre, en précommande dès maintenant. Oui. Et attention ce soir, surprise. Ah. Hier soir, vous avez pu découvrir un morceau écrit par Charles Aznavour, donc qui ne sera pas sur la réédition. Non. Mais sur le projet plus tard de Charles Aznavour. Oui. Mais là, je crois qu'il est grand temps de balancer les toutes premières notes. Alors parle-nous de ce morceau-là, c'est un morceau qui s'appelle Feuille d'automne. C'est un morceau qui s'appelle Feuille d'automne et c'est une chanson qui est relativement douce. Parce que parfois on a besoin de se poser, on a besoin d'un peu de douceur, j'imagine tous. Et ce que je voulais dire, c'est que quel que soit d'où l'on vient, à travers cette chanson, on a tous besoin d'espoir. Déjà parce que l'espoir il fait vivre. Et parce qu'il faut de l'espoir pour penser que demain sera mieux qu'hier. Il faut jamais oublier, dites-vous que quoi qu'il arrive, les choses finiront par s'arranger. Et cette chanson, c'est un petit peu la chanson de l'espoir. Toi, en tout cas, c'est ta philosophie de vie. C'est vrai que t'as toujours eu ça en tête. Oui, c'est vraiment rudimentaire pour moi. C'est la base. Ma façon de voir à moi, c'est que la vie, c'est une vision. Il faut changer de lunettes. Si on pense que la vie n'est pas... La vie est ce qu'on en pense, ce qu'on en fait, finalement. Elle est différente pour tout le monde. Mais je pense vraiment qu'on est le noyau, qu'on est le centre de nos décisions. Et pas du futur, pas du destin, bien sûr, mais en tout cas qu'on est pour beaucoup dans tout ça. Bon, et au niveau de la production, Scalp, celui-ci, il est né comment? Il y avait... Ces soirs en studio, il y avait... J'avais des images en tête, je me retrouvais un peu à Versailles, donc je l'ai... Je suis parti sur très simplement. Voilà, sur une suite d'accords classiques. On s'est dit allez, on y va, on pourquoi pas partir sur une orchestration. Et le morceau, je l'ai même appelé Louis 2014 au début. Donc pour pas changer, voilà, on passer de Louis 2014 à Feuille d'automne. C'est quelque chose. Bon, c'est... Non, on s'amuse beaucoup au studio. C'est fun. Oui. Voilà, et puis j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment avec Indila à travailler ces deux tracks et notamment les arrangements. Parce que là, pour la première fois, j'ai écrit les cordes qu'il y a dans le morceau. Donc pour moi, c'est nouveau. C'est quelque chose de d'écrire des cordes qui ont été par la suite rejouées par un orchestre. Avec on a travaillé avec Marie-Jeanne Serrero pour l'écriture, pour la finalisation, et voilà, c'est nouveau. D'habitude, bon, on l'a fait sur deux tracks pour des versions de la réédition et enfin du collector de luxe de l'année dernière. Et habituellement, bon, j'appelle Marie-Jeanne et qui fournit des arrangements. Et là, voilà, c'était une première. Voilà, en tant que producteur, je me suis fait plaisir. Excuse-moi, j'ai toujours les idées mal placées. Voilà. On appelle Marie-Jeanne, je pense. MJ. Je comprends mieux Louis 2014. T'appelles MJ. Allez, Marie-Jeanne, roulez. On écoute le morceau. Voilà, et en plus, il y a de la feuille. Il y a de la feuille dans le morceau. Ah, écoute. Combien de feuilles? Il y en avait pas mal. Ah, bah, écoute. Voilà. Mais elle est morte. Ça arrive. Hein. Pas Marie-Jeanne, hein, bien sûr. Marie-Jeanne va bien. Non. C'est très très bien. On lui fait un gros bisou d'ailleurs. Allez, on va écouter donc un extrait. C'est pas l'intégralité du morceau, c'est un extrait. L'intégralité sera le 17 novembre dans les bacs. Indila, Feuille d'automne ou Louis 2014. Ah ouais. Ah oui. Tu comprends ? Indila marche dans le château de Versailles. Oh, Skalpovic. Que faites-vous avec cette perruque? Tout comme une feuille morte, échouée près de ta porte, j'attendrai que le vent se lève, que l'espoir m'emporte et qu'on me donne la force d'aller vers tout ce qui... Skyrock et c'est le Planète Rap, donc exclu total. Il y avait une 40 de ce morceau. T'as vu, c'est quand même sympa. Ah bah, moi j'y étais à Versailles. Hein. Feuille d'automne à l'instant. Mais Versailles revisité. Ouais, revisité par Skalpovic à l'instant. Beau titre, écoute, on a envie de découvrir l'intégralité. Ce sera le 17 novembre, on a eu quand même un bel extrait de ce morceau. Feuille d'automne, c'est le premier extrait qu'on vous balance. Il y aura l'autre tout à l'heure. Oui. Loupez pas avant la fin de l'émission, soit généreux. Hein. Merci Balavida tout à l'heure. Voilà, c'est ça, un morceau à découvrir et qui figurera sur la réédition. Indila, vos réactions avec le hashtag Indila sur Skyrock. Allez-y, vous balancez plein de messages. On met un petit son avant la pub. Qu'est-ce qu'on met de l'album? Allez. Très bonne idée. Un petit Doudawar. Est-ce que ça parle? C'est vrai qu'il y a des noms de code sur cette album. Doudawar, ça peut se trouver, non? Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était quand mardi ou hier? Non, mardi. C'était mardi, ouais. Oui. Mardi dans l'émission, en fait, il y a sur l'album Mini World des morceaux qui ont le titre définitif, mais avant, ils avaient un petit nom comme celui-ci, par exemple, Feuille d'automne, s'appelait Louis 2014. Donc là, redis-nous le morceau. Alors, ce morceau-là, c'est Doudawar. Doudawar. Voilà. Ouais. Douda, séparé. Quoi? Wow. Qu'est-ce que ça peut être, Fab? Tu as une idée? Morceau qui fait penser un petit peu à la guerre, à quelque chose de si j'ai dit très fédérateur. The war. Il est mort de rire. Bon, balance-moi le vrai titre. Bon, allez, Ego. Ego, ah bah voilà, le morceau Ego. Eh oui. D'où Darwin. Voilà, c'est pas mal. Darwin, hein, c'est pas mal. Darwin, ouais, c'est vrai, bah, ça pourrait être un prochain titre. Allez, on l'écoute, c'est extrait de l'album d'Indila Mini World maintenant. Ego. Indila avec le morceau Ego. Et petit clin d'œil, on l'avait dit d'ailleurs à Jackson. Hein, bien sûr. Intro et cette outro sur le morceau Ego. Complètement. Qui fait partie de tes références, toi, musicales. Exactement. Forcément. Exactement. Il fallait ce clin d'œil. T'as écouté beaucoup de sons d'ailleurs ces derniers temps ou pas? T'as écouté des, T'as découvert des nouveaux artistes ou t'as pas eu trop le temps? Je t'avoue que j'ai pas eu trop le temps. J'ai découvert, malgré moi, bien sûr, hein, on entend toujours des petits bouts de radio dans la voiture, un peu, mais pas tant que ça en réalité. Ouais. Bah, mais là, lors de ma prochaine pause, mon prochain souffle, bien sûr, je vais me faire un plaisir de rattraper le temps perdu. Beaucoup de Français, Ricain. En France, moi, j'adore Kenji. Moi, j'adore ce petit jeune homme. Je trouve vraiment super. Mais il est cool, il a une bonne vibe en plus. Carrément. Sacré artiste. Hein. J'adore, vraiment, j'adore. Et j'espère vraiment qu'il va avoir une belle et longue route parce que c'est un vent de fraîcheur. Comme ça, en France, on avait besoin justement de cette petite couleur. Moi, j'adore. Puis après, pour les artistes étrangers, enfin, tout à l'heure, on a écouté Sam Smith. Je trouvais ça plutôt bien. Mais je t'avoue que j'ai pas eu le temps de me rencarder vraiment sur le sujet. Très bien, bah, ce plus Kalpovic. Pascal, puis il est tellement dedans. On le voit, elle, hein, on essaie de suivre tous les mouvements. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le net, on a la possibilité en 2-3 clics de se retrouver à l'autre bout du monde. Donc, en ce moment, voilà, moi, je suis plus sur un site qui s'appelle Beatport, voilà, site de streaming. Et je me tue à écouter le top dans tous les styles confondus. Et notamment en EDM, je trouve qu'il y a beaucoup de performances en art style, des trucs comme ça. J'aime bien ces influences-là, ça me donne des idées pour les créas. Bon, toi voilà. Justement, Scalp, qui vient de ce côté urbain aussi, que tu as toujours, cette tendance trap qu'il y a pu avoir, qu'il y a encore un peu en ce moment, c'est un truc que tu fais ou que t'as essayé d'approcher ou... J'aime bien m'essayer à ces styles-là. J'en fais en studio pour m'amuser, même pour retenir certaines... récupérer des codes, parce que ça évolue tellement dans ces techniques, il y a eu des déclinaisons depuis. Il y a eu la trap à l'américaine, vraiment, à la Rick Ross, enfin, très saccadé, tout univers saccadé avec des trompettes, des brasses. Et il y a une trap électro que je trouve intéressante parce qu'il y a une vraie performance, quoi. Et un peu ce que fait DJ Snake et d'autres qui performent. Moi, je kiffe Diplo. Diplo, trop fort. C'est un mec qui réunit tout ça, l'urbain, Diplo, je dis ça parce qu'on l'a tribal. Joué, c'était avec Major Lazer, notamment. Exactement. Mais il produit pour tellement de gens aussi. Laisse tomber, c'est un mec qui me parle bien. J'aime bien les prods de Stromae aussi. Je trouve que dans son album, justement, il y a une prod de Snake, il me semble. Humain à l'eau. Et j'aime bien, j'aime bien tous ces styles-là. Ça va dans tous les sens et en même temps, ça a un sens. Et puis, tu produis aussi, on le disait hier avec H Magnum. Tu bosses avec H Magnum. Exactement. Notamment en ce moment. Voilà. On réécoutera d'ailleurs le morceau dans quelques minutes. Oui, ce serait bien. Idem. Idem d'H Magnum. Un gros big up à H et Fak. Excellent morceau. Et bougez pas, c'est dans un instant. On revient avec Indy, là, avec Skalpovic, du live aussi, avec tes musiciens. Voilà. Ton orchestre ce soir dans le studio. Bougez pas, le retour d'Indy là. Il y aura un petit son, ce sera juste après ça. Comme toi, Indy là a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Le Planet Rap avec Indy là. La réédition de l'album, c'est le 17 novembre. Dans quelques minutes, on vous passe le deuxième extrait. Dans quelques minutes, roulement de tambour, ça arrive. Il y avait Feuilles d'automne. Oh, pardon, excuse-moi. Je n'ai pas de maîtrise. La cymbale, elle est pétée, mais bon. On essaie. Le morceau qui s'appelle Idem, d'H Magnum. Non. Non, le tien. Ainsi va la vida. Allô. Je me reconnecte. Je suis là. C'est le roulement de tambour, je m'en remets pas encore. T'as une idée d'un morceau d'un seul coup. C'est ça. Donc le morceau, ton morceau à toi, il s'appelle Ainsi va la vida. Dans un instant, on vous passe un extrait. Bougez pas, il a juste avant, c'est vrai, on l'avait promis, le morceau d'H Magnum. Voilà. Le morceau que tu as produit aussi, Skalpovic. Avec, grand plaisir, j'ai pu m'exprimer sur ce projet. C'est un artiste qui a quelque chose de très profond, enfin une plume, une vibe, voilà, qui m'a beaucoup parlé. Il était avec nous hier soir et on le retrouve maintenant sur Skyrock H Magnum et Idem. Oh mes frères, qui m'avaient délaissé, je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane et je pense que c'est Idem. Seul sur mon divan, je vous souhaite que du bien. Laisse la médisance, car je crains le divin. C'est vous qui me disiez que les gens deviennent aigris. Bizarre, on se déguise quand le temps se compte en devise. Je vous laisse passer devant, laissez-moi du blin. Je rame, ça fait 10 ans, je n'ai pas besoin du blin. À chaque fleur sa saison, ce que m'en me disait. Je disais, la lune sans la fusée. On voit les vrais visages quand la lumière s'éteint. Moi qui étais sûr qu'on était soudé à l'éteint. C'est au pied du mur que l'amitié t'éteint. Que l'amour décède. Je pense que j'ai compris, je ne ferai pas de dessin. Certes, c'est qu'on vit dans le cauchemar des seins. Seul dans mon lit, mes soucis, mes coussins me soutiennent à couper. Oh mes frères, qui m'avaient délaissé, je vous en pense que c'est idem. Je suis loin d'être un savant, mais ça je le savais. Je rate souvent le vent, j'espère être sauvé. Aveuglé par l'argent, on flippe, c'est la crise. On mise, la musique brise même nos mifs. Si je prends la fuite, on me traitera de loser. Y'a que dans le sale que je sais faire de l'oseille. Un jour un frère m'a dit, réveille-toi, c'est la vie. T'es moins à plaindre que ceux qui dorment sur le parvis. Je vis comme un mort, j'espère mourir en bonhomme. J'rite moins en moins car j'ai perdu mon binôme. Les dégâts du bise, c'est ma tour de pise. Où je mise, figé, je perds mieux la rive. On me dévisage comme un putain d'arrivant. Tu vois deux visages dont le putain arrive. J'suis devenu sage car mon sang est une sage-femme, un cordon, un fou-fin. Oh mes frères, qui m'avait délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Oh mes sœurs, qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. Et je pense que c'est idem. Et je pense que c'est idem. H Magnum, qui était avec nous hier soir dans l'émission entre 20h et 21h, qu'on salue. Gotham City, le projet pour 2015. Oui. On le salue et on l'encourage et voilà, et on lui manifeste tout notre soutien. Moi, j'adore cette chanson, j'adore cet artiste. Voilà, ouais. Je crois que je le dirai jamais assez. Mais c'est vrai qu'humainement, en plus, le mec est, voilà. Il est extra, il est génial. Extra. Il détend lui aussi, hein. Ouais. À sa façon. C'est juste. Et bon, on espère le retrouver vite. Donc ça, c'est le premier extrait de Gotham City, morceau produit par Skalpovic et Skalpovic qui sera aussi évidemment sur tous les bons coups. Non, je ne sais pas spécialement. C'est pas moins modeste, il est modeste. Ouais, je le dis. Moi, je fonctionne à la vibes. Voilà, c'est toutes les bonnes vibes, c'est sûr. Toutes les bonnes vibes. Et Indila, c'est une bonne vibe, la preuve avec la réédition de l'album Mini World. On passera un extrait dans quelques minutes. Oui. Le deuxième extrait que tout le monde nous réclame depuis qu'on a passé Feuille d'automne. Il y a un autre extrait qui arrive de la réédition. Bougez pas. Mais juste avant, on est avec Jessie Dayange. Salut, Jessie. Salut tout le monde. Ça va bien, Jessie? Ça va et vous? Je te présente Indila qui est là toute la semaine jusqu'à demain soir. Ah, enchanté Indila. Enchanté Jessie. Tu es prêt à... Toi, tu fais quoi? Tu rappes, tu chantes, Jessie? Ouais, je rappe. Et bon, t'écoute, t'as une 30 pour tout défoncer, c'est l'heure du freestyle par téléphone, vas-y. C'est bon. Je parle trop chier. De la vie avant qu'on meure. Si je t'oublie trop vite petite, ben ne pense pas que j'ai Alzheimer. Profite de personne, je dévaleure et je les préserve. Je réserve ma place aux ténèbres. C'est très bien, j'ai pas besoin qu'on m'observe. Tu pourras observer les gens sur mon visage. Ma taverne dans un village, une lanterne sur mon âme et sur mon arbre généalogique. Que des parcours de logique, hors du fait que je revendique que la critique n'est pas gratuite. Allez, continuons sur cette lancée. Avant qu'on soit devancé, personne n'ose danser, mais tout le monde veut l'avancer. Je te capte. Appelle-moi Cana Satellite, on me repère pas. Photo c'est moi satellite, je prends l'apparence de toutes les formes. Dans un certain uniforme, je suis uniformément très bien conforme à la norme. J'ai un caractère en homme, tu me diras en même temps je suis un homme. Je suis enfermé sur mon île, ok. Pense toujours à la rantine, toute la semaine. Tu l'as dit au dimanche, n'avoue pas tu me fascines. Faudrait jamais faire la manche, jamais faire la manche. Jamais faire la manche, c'est alarmant de voir tant de gens en larmes. C'est angoissant de voir ces gendarmes combattants qui ont des gens armés. Ne suis pas trop aux apparences, mais je n'ai pas sur ton visage ridras. C'est que dans les dessins animiques, les personnages ne verront pas. J'ai posé toute la journée, avoir tout ce que je voulais. Le temps rattrape pas le passé, ton avenir tu vas le tracer. Ne plus penser, effacer tes pensées, dépenser, sembler, sans laisser sembler, rien t'es pas en profiter. Passe mon temps, as-tu le temps, c'est tentant de faire peignant. J'ai mes plans pour 20 ans, je rêve de temps étant grand. Merci Jessie à l'instant. C'était génial. Freestyle bien. Dis la vérité, t'es à Skyrock là. Ouais, comment se fait-il que tu sois calé comme il ça est derrière. C'est non, mais c'est impressionnant. Ouais. T'es dans le tempo. Ouais. C'est très surpris. C'est bluffant. Ah merci. C'est et on sait que c'est. Et juste mon blaze en fait c'est Wydes. Wydes. Voilà. Si vous voulez aller sur YouTube, ceux qui écoutent c'est. Vous avez fait comment? W A Y D E S S. Et il y a des sons sur YouTube tout ça et. bientôt une mixtape. Eh bah yes. Très bien, du côté d'Ayange, on peut te suivre, donc Jesse, on ira cliquer, donc Waydes. Hein. Waydes, c'est ça, c'est très agréable à écouter. Petite dédicace à passer? Si. Bah ouais, dédicace, Boto, Adrien, Benoît, Lucas, Anto, qui est là, à la famille, tout ça, et mon lycée, la Briquerie, et voilà. Et merci, et ben moi je passe une grosse dédicace à tous les gens qui sont du côté d'Ayange, notamment ceux qui luttent contre le front là-bas. Donc voilà, une grosse dédicace à vous tous, Jesse, et à tous ceux qui sont du côté d'Ayange. Merci à toi. Bah merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock entre 20 et 21 avec Indila. Salut Aïdès. Ciao Aïdès. Est-ce que... Non, dans un instant. D'accord. Le temps de mettre un morceau, un extrait de Mini World. Ah. Et après bien. On aura l'extrait. Ok. Ça vous va? Ça nous va. Qu'est-ce qu'on met comme Mini World? Alors, comme un bateau, ça vous dit ou pas? Nom de code, c'était quoi? Comme un bateau. Il y en a 20 celui-là? Ah non, celui-là, il est venu direct. Ouais, hein, elle est venue avec le texte. Directement. Voilà, on était en guitare-voix et ça atterrit directement dans la machine telle qu'elle. Et ben allons-y, comme un bateau, tout de suite. Et après, promis, je vous passe le deuxième extrait de la réédition d'Indila. comme un bateau. C'est extrait de Mini World, la réédition le 17 novembre dans les bacs et en précommande dès maintenant. Vous pouvez découvrir des extraits, des titres inédits qui figureront sur l'album. Il y aura du live aussi, enfin il y aura des extraits de live aussi, vidéo hein, je crois, sur la réédition. Exactement. Clips qui seront disponibles aussi. Uniquement sur la réédition. Uniquement sur la réédition. En parlant de clips, on rappelle que Love Story sortira aussi le 17 novembre. Hein. Oui, au même moment. Au même moment. Voilà, un gros big up encore une fois à Karim Waret. Hein, je dirais jamais assez. Super, on a vécu un super moment. On a essayé de faire ça comme on le ressentait. Et voilà, j'espère que ça plaira aux Dreamers. Et bah pour l'instant, dites-nous ce que vous pensez des extraits. Tout à l'heure, il y a eu une rafale de messages pour Feuille d'automne. Ah. Beaucoup de gens qui ont apprécié le morceau. Super. Avec le hashtag Indila sur Skyrock. Là, cette fois-ci, c'est un deuxième extrait, un morceau qui s'appelle Ainsi Balavida. Exactement. Un petit mot sur la naissance de ce titre. La naissance de ce titre. Écoute, hein, Indila avait une idée de. Malheureusement, on l'entendra pas dans l'extrait, mais elle avait une idée de faire un morceau qui à un moment donné, aurait un cut, une coupure avec une chorale. Et une chorale entièrement faite avec ses voix. Donc on s'est amusé, on est parti sur un délire de cœur un petit peu bulgare dans l'esprit. Et elle avait une idée en tête, voilà, de cœur bulgare et ça donne un rendu de fou. Enfin, malheureusement, c'est pas. J'aurais aimé vous le faire écouter. Là, je suis un peu frustré. Non, mais là, maintenant, ça n'a pas été généreux parce que autant tout à l'heure. Ah non, tu peux pas dire ça. Ici, on avait une carotte, enfin une 40, pardon. Une 40. Mais là, on a une 16. Une 16-8. Ok, c'est, une 16-8. C'est 64. D'accord, une 16-8. Ok, bon, ok. Non, mais c'est tu vas voir, c'est suffisant, je t'assure. Ainsi Balavida, toi, tu vas dire un mot dessus aussi, Indela, l'écriture du morceau. Oui, voilà, l'écriture du morceau. Ainsi Balavida, en fait, c'est un peu ma façon de dire que ce qui nous réunit, nous tous, avant tout, ce sont des émotions, c'est ça? Des émotions sincères, des émotions simples, c'est ça qui nous réunit. Et ce, peu importe nos différentes classes sociales. Et à travers cette musique, à travers Ainsi Balavida, j'ai voulu mettre en avant un petit peu les préjugés qu'on peut avoir, les préjugés des gens construit des frontières, des barrières, etc. Et ça, on peut pas le nier. Et je chante et je fais. Je m'adresse à un banlieusard dans ce titre-là. C'est vrai? Donc je vais laisser découvrir les un gens. Un beau banlieusard. Un beau banlieusard, ouais. Allez, on écoute l'extrait. Ainsi Balavida, ce sera sur la réédition qui sort le 17 novembre. L'extrait à l'instant, la suite au prochain épisode, le 17 novembre dans les bacs. Exactement. Bon, bah, réagissez avec le hashtag Indila sur Skyrock, des extraits qu'on vous a passés, Feuille d'automne, Ainsi Balavida. On en remettra demain, on remettra les extraits entre 20 et 21. Si vous avez pris l'émission en cours de route, vous inquiétez pas. Voilà, avec grand plaisir. Je vais essayer d'être généreux pour demain. Je vais mettre une petite rallonge sur ce titre parce que j'avoue que c'est un peu frustrant. Tu vois, c'est frustrant. Tu sais quoi, demain, je vais mettre la chorale. Voilà. Oh là. Ça rajoute bien fait de chauffer, 10 secondes. Ah ouais, ça a marché, tu vois. Super, super. Merci Skalpovitch. Avec plaisir. On écoutera donc ça demain. Soyez au rendez-vous entre 20 et 21 sur Skyrock. Indila, maintenant, si tu es prête. Est-ce que tu es prête pour le live? Bien sûr. Tiens, présente-nous qui va t'accompagner, qui est avec toi aussi dans le studio. Oui, j'ai monsieur Greg, le super guitariste. Greg de retour, ça va Greg? Qui m'a fait le plaisir d'être là ce soir. Il est là avec sa guitare et puis derrière avec toutes ses machines. Et oui, on a Tommy Gibbs au clavier. Super compositeur.

l'instant en live, tournée dans le vide. C'était beau. T'es contente? Je me dis là, pas de fausses notes, rien. Super. Je sais pas, ça avait l'air bien. Ah bah, c'était très très bien à l'instant. Génial. Tournée dans le vide, version acoustique avec Indila. Merci beaucoup. Avec Greg. Oui, avec Greg. Merci Greg. Et puis l'équipe derrière aussi. Hein. Bien sûr, Tommy Gibbs toujours au clavier. Toujours là, Tommy Gibbs. Et Skalpovic qui a sa petite touche de temps en temps en live. Exactement. Le live est dispo, il sera dispo tout à l'heure là, hein, sur le Skyrock FM, sur le blog de Planète Rap. Avant de se quitter, Indila, on va faire tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la première tournée de Black M dans toute la France. On fait tourner la roulette. Ça pourrait être un autre tourner morceau. Tourner la roulette. Tourner la roulette, Mickaël. De Marseille, ça va bien? Ouais, super. Ça va? Ça va et toi? En pleine forme à Marseille? Ouais, il pleut là, il fait pas beau. Mais bon. Wow, bah pour une fois, ça vous fait du bien, tu vois. Ouais. Attends, j'ai trop de soleil à Marseille. Bon, Mickaël, je te présente Indila. Ouais. Et bah voilà. Et bah enchanté, Mickaël. La rencontre est faite, Mickaël. Tu es prêt à faire tourner la roulette maintenant? Ouais. Black M, il est du côté de Marseille le 21 novembre. En concert avec Skyrock, grosse tournée pour Black M. Et Mickaël, peut-être pour toi, la chance d'assister au concert de Black M, c'est... Eh ben c'est sûr. C'est ah, super. Deux places. Super, merci beaucoup. Pour aller voir Black M le 21 novembre avec Skyrock, c'est pour toi, Mickaël. Super, merci. Petit... Je peux faire une dédiée? Voilà, j'allais te proposer, vas-y. Ouais, bah alors, faire une dédiée à Mathis de Saint-Just, à Lecma de Marseille, et à Yal des Chartreux, et Chérine. Eh ben ça roule, à bientôt Mickaël, passe une bonne soirée. Allez, super. Tu as mon adresse? Ouais bah. Tu veux qu'on la file en direct à l'antenne comme tu veux hein Mickaël hein. Non, c'est bon. Oh, bah alors bouge pas, je t'en passe Fab ou Ameline, ça va être plus simple. Merci. Merci à toi. Merci Fred. Beaucoup Indila. Toujours un plaisir. Bah pareil, plaisir avec la réédition de l'album Mini World, c'est le 17 novembre. C'est ça. On a pu découvrir deux extraits ce soir. Hein. Absolument, deux extraits et deux demain, inédits. Skalpovic sera encore plus généreux. Ah là là là là là. Donc soyez au rencard demain avant qu'il ne change d'avis. Ce sera entre 20 et 21 pour déjà la dernière de la semaine. Ouais, pour la dernière. Qu'est-ce qu'il y a Skalp? Non, je tiens toujours ma parole. Et bah demain, ne loupez pas le Planète Rap pour la dernière. Peut-être du live encore demain soir, qui sait. On va finir en live, c'est probable. Et bah ne bougez pas, le retour de Planète Rap c'est demain. Et puis là, il y a Difool et toute l'équipe, c'est parti, la radio libre. Et ouais, hello. Hello Difool. Bonjour Indila. Et merci pour cette soirée. Demain soir, le retour pour la dernière de la semaine. On sera là, loupez pas le rendez-vous. 20h, 21h, Indila. Quelle belle semaine avec Indila. Et tourner dans le vide. Oh, Fredo. Mais je vois que tu as l'Indila style. Ah ce ouais, soir. Ça y est, moi je sais rouler dans le vide. Je sais rouler. Ça roucoule. Tiens, nous on aura un invité surprise ce soir. Hein? Si tout se passe bien. C'est qui? Après, surprise Fred. Ah, j'essaie de t'avoir maintenant, ça marche pas. Non, mais tu peux, oui, il y a certains jours où tu peux. C'est... Après le brouillard de Wiz Khalifa. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, il y a des jours plus difficiles que d'autres. On remercie Wiz Khalifa d'être passé hier soir. On a passé une super soirée avec Wiz Khalifa. Ah, j'ai vu des photos de Wiz Khalifa. Impressionnant. Dans une avec Samy. T'as vu gros le truc qu'il a dans la main, on va dire. 37 joints par jour. Ah ouais. Ah mais lui il envoie du large. Wiz Khalifa. Ah bah, ouais. Ah ouais, putain, je sais pas. Tu sais, c'est pas fait, des hein. Connes qui fument, c'est des plots là, tu sais, les plots de sécurité. Là. Moi, je sais pas comment on a fini, qu'on a fait pour finir hier soir. Vous aussi, je sais pas comment vous avez fini. Ah ouais. Ça, c'est la question. Moi, je sais à peu près comment on a fini. C'était pas beau à voir, mais on a passé une super soirée hier en tout cas. Et ben, une nouvelle soirée qui démarre avec vous tout en direct au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez. Fredo, à demain. Hein, ouais, demain. Et nous, à tout de suite, on va démarrer fort avec Calvin Harris et Big Sean. Yes. Gros son ça. Hein. C'est ah, il défonce le morceau. Ah bah, on défonce tout là, c'est parti. Jusqu'à minuit, si vous voulez passer dans l'émission, appelez-nous 01 53 40 30 20, les SMS, le net, faites tout péter, on arrive tout de suite, à demain. À tout. Ciao.